Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le printemps de Prague en 1968. Un peu partout en Europe, 68 résonne comme un tournant historique, un point de repère dans l'évolution de nos sociétés modernes. En France, on retient le mois de mai, bien sûr, lorsque Paris cherchait la plage, sous les pavés. En Tchécoslovaquie, c'est une toute autre saison qui voit fleurir les élans et les aspirations d'un peuple. Mais si d'un côté du rideau de fer, on crie élection piège à con et que l'on fustige la démocratie bourgeoise, de l'autre côté, un petit pays de 15 millions d'habitants cherche à reconquérir les libertés dites justement bourgeoises. Pendant 8 mois, de janvier à août 1968, le soleil se lève à l'est. C'est le long printemps de Prague, un temps où la capitale tchèque rêve d'inventer une troisième voie, un idéal appelé le socialisme à visage humain. Reste que l'écrasement de la révolte par les chars du pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968 demeure l'image la plus forte. Un événement qui montre que sous la houlette de l'Union soviétique, ce communisme-là n'était pas réformable, qu'il était en un mot commençant, totalitaire. Retour donc sur le fol espoir tchécoslovaque. Notre invité aujourd'hui, Alain Soubigou, historien et maître de conférences à l'Université Sorbonne Paris 1. Son dernier ouvrage, L'Europe centrale dans l'Europe du XXe siècle, est paru il y a 2 mois aux éditions Ellipse. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, présentée et préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Mardi 27 juin 1967, Prague. Une chaleur torride règne dans la salle Majakovski du palais Vinohrady, en plein cœur de la capitale tchécoslovaque. Devenue maison du peuple en 1948, avec l'arrivée des communistes au pouvoir, elle accueille aujourd'hui le 4e congrès de l'Union des écrivains. Organisme corporatif officiel, arme de lutte idéologique et politique, les écrivains y sont tout autant valorisés que contrôlés. Ici, comme en URSS, les ingénieurs de l'âme, selon l'expression de Staline, sont investis de la plus haute mission, aider le parti à construire une nouvelle société. Difficile d'ailleurs de ne pas en être, l'Union des écrivains confère aux auteurs un statut de travailleur, donc un métier, car en dehors, ils sont considérés comme des oisifs, autant dire des parasites. Durant 3 jours, les intellectuels du pays sont donc invités à débattre littérature et à manifester, il va de soi, leur dévouement au régime communiste. À la tribune, ornée des indispensables draperies rouges, le premier à prendre la parole est le camarade Jiří Hendrich, le deuxième homme le plus puissant de l'État, l'idéologue du parti. Dans un long discours monocorde, émaillé de formules toutes faites, il insiste sur le rôle dirigeant du parti dans le domaine des arts et des lettres et met en garde contre le danger de la diversion idéologique occidentale, je cite, bien sûr. Applaudissements mesurés dans la salle. Le meilleur reste à venir. C'est maintenant au tour d'un jeune romancier pratiquement inconnu hors des frontières de son pays de prendre la parole. Voix grave, regard ténébreux, il s'inquiète du sort réservé aux petites nations d'Europe centrale mises sous tutelle soviétique. Puis, prenant à contre-pied l'ordre établi, il critique ouvertement le régime et plus particulièrement l'un de ses principaux outils, la censure. La vérité, dit-il, n'est accessible que dans le dialogue des opinions libres. Sur le visage des congressistes en sueur, col de chemise ouvert, on peut lire la stupéfaction et bientôt l'enthousiasme. L'orateur téméraire s'appelle Milan Kundera. Il vient d'ouvrir les hostilités. Le dramaturge Pavel Kaout s'engouffre dans la brèche et parvient à lire devant une assemblée de plus en plus médusée une lettre du grand pourfendeur du régime soviétique Alexander Solzhenitsyn. Le camarade Jiří Hendrich lui n'y tient plus. Il se lève brusquement, récupère sa veste et son cartable, se prend les pieds dans les tentures rouges et quitte le congrès avec fracas. « Vous avez tout foutu en l'air », murmure-t-il furieux. Une porte claque, une autre s'ouvre dans le palais Vinohrady. Car si la colère de l'apparatchik ne présume rien de bon, Les débats, eux, se poursuivent, de plus en plus virulents. Militants prestigieux de longue date ou écrivains non communistes comme Václav Havel, tous dénoncent dans leurs interventions le rôle honteux de la censure et les persécutions à l'encontre des artistes. Un temps, on pense que le Congrès sera interrompu, l'Assemblée dispersée par la milice populaire. Or, il n'en est rien. Et la direction des partis assiste impuissante aux critiques d'une tribune incontrôlable. Le coup de grâce, c'est l'écrivain et journaliste Ludwig Vaculík qui le donne. Un discours historique virulent, réquisitoire contre le système soviétique qui a transformé, je cite, une nation de citoyens en un troupeau de sujets apeurés. Extrait. Il est indispensable de comprendre que dans les 20 dernières années, aucune question relative aux droits de l'homme n'a été résolue dans notre pays. Depuis, les besoins élémentaires tels que le logement, les écoles et la prospérité économique, jusqu'aux exigences les plus belles de la vie, qu'aucun système non démocratique ne peut contenter. Par exemple, le sentiment d'avoir sa pleine valeur dans la société, le besoin de confiance entre les hommes, l'éducation de tout un peuple. Je crains que nous ne nous soyons pas élevés jusqu'à la scène mondiale. Et j'ai l'impression que notre République a perdu de sa bonne réputation. Je constate que nous n'avons donné à l'humanité aucune idée originale et aucune inspiration nouvelle. Et si ceux qui exercent le pouvoir venaient ici et nous demandaient si le socialisme est réalisable, ils devraient accepter la réponse suivante. Je ne sais pas. En ce mois de juin 1967, dans un pays du bloc de l'Est, une telle critique du régime et de la censure est une chose inouïe, inédite. Car la parole, à cette époque, a encore un pouvoir immense. Elle peut décider du destin d'un individu comme celui de millions de personnes. Elle peut les enchaîner, les liquider, mais aussi les affranchir. Ici, dans la salle Majakovski de la Maison du Peuple, à Prague, le mot « liberté » résonne d'un nouvel espoir. Et la répression ne se fait pas attendre. 3 jours après la clôture du congrès, l'écrivain Jan Beleš est jugé pour subversion. Ludwig Vaculík et quelques autres sont expulsés du Parti communiste, avant que le comité central ne prenne le contrôle de la prestigieuse gazette littéraire dont les textes font régulièrement scandale. Mais si la presse tchécoslovaque est muselée, il est difficile d'étouffer complètement l'information dans un si petit pays. Ainsi, durant tout l'été 1967, dans les rues de Prague, le discours de Ludwig Vaculík circule sous le manteau à des milliers d'exemplaires. Il fait l'effet d'une bombe et réveille le débat dans une société dirigée par d'inflexibles staliniens. Pour la première fois, grâce au courage de quelques écrivains intrépides, le pouvoir communiste tchécoslovaque tremble. Mais quelle mouche les a piqués ? Pourquoi, en ce mois de juin 1967, après 20 ans de silence, ose-t-il prendre la parole ? Toujours est-il qu'il aura fallu près d'une décennie et une situation économique et politique catastrophique pour que cette contestation soit possible, tout du moins audible. Au XXe siècle, en Tchécoslovaquie, c'est le chiffre 8 qui appelle l'événement parfois le drame. En 1918, la Bohême, la Moravie et la Slovaquie se soudent dans une république indépendante après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. En 1938, les accords de Munich et l'invasion nazie traumatisent toute une génération. En février 1948, le coup de Prague installe le Parti communiste au pouvoir. Une révolution pour certains, un putsch pour d'autres, le rideau de fer tombe brutalement sur la frontière occidentale du pays. Alors, c'est le début d'un long hiver stalinien, avec ses procès politiques et sa bureaucratie policière. Prague doit obéir et apprendre à se taire. Les citoyens sont surveillés par une police secrète omniprésente et des purges massives sont organisées. En 1957, le président Klement Gottwald est remplacé par l'intransigeant Antonín Novotný, que l'on surnomme bientôt le roi rouge de Bohême. Cas unique dans un pays du bloc de l'Est, il cumule les fonctions de président de la République et de premier secrétaire du parti. C'est un stalinien endurci, inféodé aux ordres de Moscou. Mais les exigences soviétiques, notamment la planification quinquennale, ne correspondent pas aux réalités économiques de la Tchécoslovaquie, ancienne grande puissance industrielle. début des années 60, le pays tombe dans un marasme économique sans précédent. L'état des villes se dégrade. Les immeubles pragois, héritage des années fastes de l'Empire, tombent en ruine. Dans les campagnes mal approvisionnées, on commence à crever de faim, alors qu'à l'entrée des magasins, les queues s'allongent dès l'aube, interminables. L'énergie aussi fait défaut. Les écoles ferment à cause du manque de charbon. Et le gazole, volé dans les entreprises d'État, alimente le marché noir. En janvier 1965, face à cette situation dramatique, une importante réforme est lancée sous la houlette de l'économiste Otacik, membre du Parti central. Entreprises et ouvriers gagnent peu à peu en autonomie dans une planification désormais indicative. L'idée pour les réformateurs, c'est de trouver une troisième voie. Ah, la fameuse troisième voie à bonne distance du capitalisme et du communisme, comme l'explique Otacik au micro de France Culture. Wir haben erkannt, dass eine moderne, industriell entwickelte Gesellschaft nicht Nous avons compris qu'une société industrialisée moderne ne peut exister sans une économie de marché. Nous avons compris que la planification dans sa rigidité ne pouvait pas fonctionner sans ce marché. Et nous avons décidé qu'il fallait le réintroduire. Cela ne voulait pas dire que nous voulions retourner vers un système capitaliste. Ce mécanisme de marché et le capitalisme ne sont pas identiques. Les conditions d'un mécanisme du marché socialiste étaient de maintenir la propriété des moyens de production dans les grandes entreprises. Il fallait en même temps combiner le mécanisme du marché avec une planification de la macro-société. Mais au sein des plus hautes instances, tout le monde n'est pas du même avis. Aux côtés de ces nouveaux libéraux, un noyau dur de staliniens répugne à tout changement. Le Parti communiste tchécoslovaque est alors écarté entre une aile réformatrice et une aile, disons, dogmatique. Mais cette dernière, à cause de la crise économique, perd peu à peu du terrain. Et on sent, oh, des petits signes, mais on sent que le changement est dans l'air et qu'il est porté par les artistes et les intellectuels du pays. Dès 1963, un colloque va jouer un rôle primordial, annonciateur d'une nouvelle ère, le colloque Kafka, qui réhabilite enfin et pour la première fois l'écrivain tchèque. Fustigé par les autorités depuis 1948, ses livres, empreints de pessimisme et d'absurde, trouvent alors un écho retentissant dans la société pragoise des années 60. Puis ce sont les cinéastes de la nouvelle vague tchèque, comme Miloš Forman, qui prennent le relais et révèlent les malaises de la vie quotidienne, avec en bande son un air de rock'n'roll. Voilà, le terrain était prêt, il suffisait d'une étincelle. Elle jaillit en juin 1967 au 4e congrès de l'Union des écrivains tchécoslovaques. Quatre mois plus tard, le 31 octobre 1967, c'est au tour des étudiants de reprendre le flambeau, au propre d'ailleurs comme au figuré. Las d'une énième coupure de courant, près de 2000 résidents de la cité universitaire de Prague-Strahov descendent dans la rue, bougie à la main, et prennent la direction du château de Prague. Une étudiante s'en souvient au micro de France Culture. Comme la cité universitaire était sur les hauteurs, le chemin le plus court vers le centre de la ville, c'était passer par le château. Château des rois et château présidentiel. Bon, et puis comme les étudiants aimaient bien, à l'époque c'était quand même la période des penning, comme on disait, ben ils ont pris les bougies. Et puis, en descendant, on criait « Nous voulons la lumière ». Bien entendu, Novotny considérait cela comme trop dangereux, parce que quand on demande la lumière, on demande la lumière au sens politique et intellectuel du terme. La lumière après les ténèbres, c'était beaucoup trop criant pour que l'on puisse accepter. Bon, alors ensuite, il y a eu donc l'intervention de la police avec des gens blessés, etc. Nous étions persuadés que la répression ne pouvait pas marcher. Pour nous, ce n'était que reculer pour mieux sauter. Nous savions, sans savoir, que quelque chose allait arriver. De fait, la répression se retourne contre ses auteurs. Pour la première fois, la presse informe ouvertement ses lecteurs de la brutalité policière que les responsables de la plupart des facultés du pays, tout comme un large public, condamnent justement. L'aile conservatrice du comité central, représentée par le président et chef du parti Antonin Novotny, est de plus en plus affaiblie. Alors, comme d'habitude, le grand frère est appelé à la rescousse. Et le 8 décembre 1967, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, atterrit à l'aéroport de Prague. Novotny, fidèle parmi les fidèles, espère donc un soutien fort du Kremlin. Pourtant, il ne faudra que 24 heures à Brejnev pour comprendre que les réformes économiques et politiques en Tchécoslovaquie sont inévitables. Il constate aussi avec stupéfaction l'opposition croissante à Novotny au sein du comité central. Son immobilisme, ses propos nationalistes à l'encontre des Slovaques et son cumul des mandats depuis plus de 10 ans exacerbent les tensions. Non, décidément, Novotny n'est pas l'homme de la situation et Moscou ne lèvera pas le petit doigt. D'ailleurs, en quittant Prague, Brejnev lâche cette petite phrase restée célèbre « C'est votre affaire ». Ainsi, pendant tout le mois de décembre 1967, les luttes internes et autres querelles intestines minent le pouvoir. Le parti se fissure et vole en éclats. Le 3 janvier 1968, alors qu'une fraction de l'état-major de l'armée prépare un coup de force pour soutenir Novotny, un plénum du comité central se réunit pour trancher. Après 3 jours d'âpres discussions, Alexander Novotny est finalement démis de ses fonctions à la tête du parti communiste tchécoslovaque, tout en restant chef de l'État. Discussion aussi à Prague. Résultat, M. Novotny, d'un libéralisme indécis, est remplacé par un Slovaque, M. Dubček, à la tête du parti. Oui, c'est la première fois qu'un poste d'une telle importance échoit à un Slovaque. Il était de règle, jusqu'à présent, d'attribuer le poste de premier secrétaire du parti à un représentant de la majorité tchèque. Outre les critiques dont M. Novotny était l'objet de la part des Slovaques pour des raisons, disons, nationalistes, il était également accusé d'étouffer les réformes économiques et de temporiser sur les réformes à apporter à la liberté des intellectuels. M. Novotny a donc été évincé par des éléments plus libéraux de la hiérarchie tchécoslovaque. Si les nouveaux dirigeants de Prague accéléraient les réformes économiques indispensables, nul doute que les autres dirigeants communistes européens se trouveraient soumis alors à des pressions accrues pour suivre l'exemple de Prague et que des bouleversements politiques importants pourraient être enregistrés dans les prochains mois dans toute l'Europe de l'Est. L'arrivée au pouvoir d'Alexander Dubček le 5 janvier 1968 marque le début de ce qu'on appellera le Printemps de Prague, nom emprunté au Festival de musique classique qui a lieu dans la capitale depuis 1945. Mais pour l'heure, les conservateurs pensent en être tirés à bon compte. Alexander Dubček, formé en URSS, a la réputation d'un modéré, voire d'un indécis, enfin, un homme de compromis. À Moscou non plus, on ne dit mot. Certes, le nouveau secrétaire fait partie de l'aile réformatrice du parti, mais on pense qu'il n'a pas l'envergure pour mener une révolution. Alors, va pour Dubček. Il pourra sans éclat conduire le changement dans la continuité. Seulement voilà, le pantin désigné va se montrer bien plus subversif que prévu. Poussé par son peuple et les circonstances, il prend les rênes du parti avec une feuille de route résolument libérale. À la fin du mois de janvier, dans son premier grand discours radiodiffusé, il donne le ton. D'un bout à l'autre du pays, des monts de Bohême jusqu'aux Carpates, ses mots résonnent comme une grande promesse. La démocratie n'est pas seulement le droit et la possibilité d'exprimer son opinion, dit-il. C'est aussi la prise en compte de cette opinion par le pouvoir, la possibilité pour chacun de prendre une part réelle aux décisions. Pied de nez également à ces régimes de l'Est qui se présentent comme démocratie populaire et qui ne sont ni l'une ni l'autre. Parti dans ce grand mouvement de démocratisation va peu à peu gagner l'ensemble de la société tchécoslovaque. De Prague à Bratislava, tout un peuple se met à croire à des lendemains qui chantent. Vu de France, on ne peut s'empêcher de penser à la révolte hongroise de 1956, premier soulèvement populaire d'un pays du bloc de l'Est, écrasé dans le sang par les troupes soviétiques. Alors, jusqu'où Prague ira-t-elle avant de raviver la colère de Moscou ? Un Tchécoslovaque qui rentrerait aujourd'hui dans sa patrie après 3 mois d'absence ne reconnaîtrait pas son pays. Tout a commencé avec la dernière session plénière du comité central du Parti communiste en janvier, où la tendance libérale, que l'on appelle ici progressiste, incarnée par le nouveau secrétaire général du parti, M. Alexander Dubček, a réussi à s'imposer dans des circonstances dramatiques. L'éviction de M. Antonin Novotny du poste de premier secrétaire n'a pas mis un point final à la lutte entre les deux tendances qui s'étaient affrontées au comité central. Cette lutte, on la retrouve actuellement dans les organisations de base du parti, où chacun des deux adversaires, par le truchement de ses partisans, tente de faire prévaloir son point de vue. La situation du président de la République, M. Antonin Novotny, se trouve fortement ébranlée. Aussi doit-on s'attendre, dans les prochains jours, à un développement spectaculaire de la situation en Tchécoslovaquie. Le 22 mars 1968, le grand bouleversement annoncé a lieu. Le président de la République socialiste tchécoslovaque, Antonin Novotný, démissionne de ses fonctions, remplacé par Ludvík Svoboda. C'est l'aboutissement d'une crise en germe depuis le mois de janvier et de l'arrivée d'Alexander Dubček à la tête du Parti communiste. Débarrassé de Novotný, stalinien devant l'éternel, le nouveau gouvernement se lance tambour battant dans les réformes. Le 5 avril 1968, le comité central adopte le programme d'action présenté par Dubček et ses alliés. Il définit la nouvelle orientation du pays. Ni capitaliste, ni communiste, il en appelle à un socialisme à visage humain. Son programme incarne alors une tentative d'émancipation idéologique dans le giron soviétique. En manière économique, l'autogestion est valorisée à l'échelon local. Côté police et répression, le régime s'engage à mettre fin aux écoutes téléphoniques ou à l'ouverture du courrier et à faciliter les voyages de ses ressortissants à l'étranger. Politiquement, s'il ne remet pas en cause l'idée d'un parti unique, il introduit la liberté d'expression. Oui, la censure est abolie. Mieux, elle est interdite par la loi. Et c'est un événement inédit dans l'histoire des pays de l'Est. Camarade Jiří Pelikán, directeur général de la télé tchécoslovaque, applique à la lettre ces nouvelles directives. Tous les citoyens tchécoslovaques peuvent suivre depuis leur canapé les meetings officiels, la défaite américaine au Vietnam et bientôt les événements de mai en France. Jiří Pelikán témoigne de cette liberté nouvelle dans l'émission Panorama de l'ORTF. Nous sommes alors le 22 mars 1968. Il faut d'abord dire que la télévision a déjà joué un rôle très important, ainsi que la radio et la presse, dans les mois précédents. Il faut dire que les journalistes et même les artistes, les directeurs de la télévision, ont déjà essayé de pousser le courant nouveau et ils se sont heurtés très souvent dans le passé à la censure, aux interdictions, certains programmes. Par exemple, dans ces jours, nous passons à la télévision des programmes qui ont été faits il y a 1 ou 2 ans et qui sont toujours actuels, ce qui montre que ce changement pour nous n'est pas tout à fait nouveau, mais que nous avons essayé, même dans les conditions difficiles, d'imposer notre point de vue. Pour la première fois depuis 20 ans, les Tchécoslovaques sont submergés d'informations et ils en redemandent. Les sujets qu'ils étaient redeviennent citoyens. D'ailleurs, une enquête montre que 76% de la population approuve les changements. Prague se bat pour ses libertés dites bourgeoises que pourfendent les 68 arts occidentaux. Mais il y a aussi d'évidents points communs dans ces mouvements de révolte anti-autoritaire d'une génération. Prague, c'est Woodstock en territoire socialiste. Les beatniks sur la place de l'Hôtel de Ville, le soleil, les délégations venues de tous les coins du monde, c'est un bouillonnement de pensée, un bouillonnement permanent, raconte un fils d'apparatchik soviétique en poste à Prague. Intellectuels, étudiants, ouvriers, la société tchécoslovaque fait bloc. De mars jusqu'à juin 1968, le pays se couvre de meetings. Des centaines et des centaines d'assemblées dans les ministères, les usines, les coopératives et les syndicats. Le maître mot est alors réhabilitation. Oui, réhabilitation des victimes de la répression stalinienne, des victimes des procès politiques des années 50, des hommes et des femmes injustement condamnés. Lors d'une table ronde organisée à Prague pour la télévision française en mai 1968, un jeune ouvrier s'adresse à l'ancienne génération qui a laissé faire. Il y a une chose que je comprends mal, dit ce jeune ouvrier de l'usine Tchekade de Prague, que quand la génération des années 50 avait écouté à la radio, avait lu dans la presse, avait eu publié par les livres les protocoles des procès, des fameux procès de Prague, comment est-il pu croire tout ça? Comment est-il pu accepter tout ça? Comment s'est-il fait qu'ils ne se sont pas révoltés? Quand on le lit aujourd'hui avec les yeux des années 60, alors ça devient une chose absolument incompréhensible. Dans un pays où les dirigeants n'ont pas pour habitude d'être populaires, Alexander Dubček devient une sorte de héros, adoubé par la foule. Ses discours télévisés font tomber un à un les remparts du totalitarisme. Mais là, c'en est trop pour Moscou. La situation devient intenable. Brejnev s'exclame, comment ça, un socialisme à visage humain? Parce que notre visage est inhumain, peut-être. Et à l'est de Prague, des nuages obscurcissent le ciel. Le Kremlin dénonce un complot impérialiste. La grande peur est alors de voir la Tchécoslovaquie se lancer dans un socialisme réformiste et national en suivant, par exemple, la voie de la Yougoslavie de Tito ou de la Roumanie de Ceausescu. Ce tournant pourrait être proclamé dès septembre au congrès du parti où le triomphe des libéraux est assuré. Les pays frères, eux aussi, s'inquiètent. La RDA, toujours en excès de zèle. La Pologne, alors en plein délire nationaliste. Et la Hongrie. Tous craignent la contagion. Si bien que dès le mois de mars 1968, les armées du pacte de Varsovie pendant soviétique de l'OTAN organisent d'interminables manœuvres aux frontières, qualifiées d'exercices d'état-major. Et qu'on ne s'y trompe pas, c'est en réalité la préparation d'une intervention militaire. Oui, la pression s'accentue. Le 29 juillet, les soviétiques convoquent tout le bureau politique tchécoslovaque à Tchernatizou, à la frontière est du pays. Le ton monte, mais Dubček, acculé, doit se résoudre au compromis. Il s'engage à ralentir le rythme des réformes et à renforcer ses liens avec Moscou et les autres pays socialistes. Au lendemain de la réunion, Dubček est interrogé à l'improviste dans les rues de Prague par la télévision française. Il renoue avec la langue de bois et se cache derrière un sourire qu'on pourrait qualifier de façade. Sur la situation générale, si M. Dubček est optimiste en ce qui concerne les entretiens qu'il va avoir avec les représentants de l'Union soviétique. Voici la réponse de M. Dubček. J'ai compris à peu près ce que vous venez de me dire en français. Je vous dirai très sincèrement que je ne peux pas sentir et penser autrement que sent et pense toute notre opinion, notre nation et nos travailleurs. Notre nation et nos travailleurs qui sont tous optimistes. Donc moi aussi, je suis optimiste. Voilà, c'est comme ça, je crois que cela peut vous suffire. En réalité, le compte à rebours a commencé. Une semaine plus tard, le 3 août, à Bratislava, Brejnev est approuvé par les pays du pacte de Varsovie sa doctrine dite de souveraineté limitée. Autrement dit, un pied dehors, un pied dedans. Mais, sans trop de discrétion, des troupes de l'armée soviétique s'amoncellent aux frontières. Difficile alors de ne pas voir que la fin approche. C'est l'été de tous les dangers. Elsa Triolet écrit le 16 juillet à sa sœur Lili Brick à Moscou. Elle lui dit « Le plus terrifiant, bien sûr, c'est la Tchécoslovaquie, une angoisse qui recouvre tout. » 20 août 1968 à Prague, chaude nuit d'été. La jeunesse remplit les terrasses de café et les piscines alentour. Le soir, de nombreux concerts font honneur à la réputation musicale des Tchèques. Pendant ce temps, les parachutistes soviétiques envahissent l'aéroport de Prague et prennent rapidement le contrôle de la capitale. De puissantes colonnes de blindés du pacte de Varsovie passent les frontières et envahissent le pays sans rencontrer de résistance armée. C'eût été inutile d'ailleurs. Comment résister à une armée de 750 000 hommes, 6 500 chars, 800 avions et 2000 pièces d'artillerie? L'intervention fait 72 morts et 700 blessés. Et en une nuit, c'est l'hiver, en plein cœur de l'été. Comme en témoigne l'historien Yaroslav Sedivi. C'était dans la nuit, m'a téléphoné à peu près vers minuit, m'a téléphoné mon collègue économiste Selutsky, qui m'a dit en téléphone, écoute, nous sommes occupés. Je lui ai dit, laisse les blagues, et j'ai accroché. Il a renouvelé le téléphone et elle m'a dit, écoute, les avions. Et il avait raison. Alors, c'était un choc pour moi. J'ai réveillé ma femme et nous avons tout de suite pensé, réfléchissions, qu'est-ce que nous allons faire, et, parce que j'étais assez actif dans cette année 68. Alors, bien sûr que c'était une déception, c'était aussi un peu la peur. Qu'est-ce que va se produire? Parce que nous connaissions le système soviétique, nous connaissions toutes ces atrocités du passé. Et alors maintenant, nous étions occupés. Dubček regrette-t-il de n'avoir jamais voulu envisager le pire? Il se contente de déclarer « C'est une grande tragédie pour moi. J'ai consacré toute ma vie au communisme et à l'Union soviétique. » Puis il est déporté avec d'autres en URSS, direction prison. Les pays occidentaux, eux, restent muets. Pas question de remettre en cause la logique des blocs. Alors, une chape de plomb s'abat sur le pays pour 20 ans, jusqu'à la révolution de l'Our en 1989. L'épilogue déchirant du printemps de Prague a été un réel et profond traumatisme pour toute une génération. Pendant des années, en Tchécoslovaquie, il est devenu un sujet tabou, source de controverse. Le 12 juin 1998, lors d'un colloque organisé à Paris par le Sénat, Václav Havel, devenu depuis président de la Tchécoslovaquie, préfère se souvenir des belles choses. L'année 68 a été avant tout celle d'un renouveau civique, d'une restauration de la dignité humaine, de la confiance en les capacités et les possibilités des citoyens de changer la société. Oui, probablement ce printemps de Prague a-t-il semé les graines de la révolte, celle qui, 21 ans plus tard, dans le sillage de la chute du mur de Berlin, aura raison d'un régime honni, d'un régime maudit, tombé en Tchécoslovaquie comme ailleurs en Europe centrale, comme un fruit pourri. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le printemps de Prague avec notre invité Alain Soubigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et maître de conférences à l'Université Sorbonne Paris 1. Votre dernier ouvrage, intitulé « L'Europe centrale dans l'Europe du XXe siècle », est paru il y a un peu plus de 2 mois aux éditions Ellipse. Et puis, il y a un autre livre plus ancien qui parle de quelqu'un d'autre. On va le garder pour la fin. Celui-là, si vous voulez bien. Et il s'agit du premier président tchécoslovaque. Vous me disiez, c'est un peu l'heure de Gaulle. On y reviendra. D'abord, comment cette mémoire sur le printemps de Prague a-t-elle évolué depuis la chute du mur de Berlin et la révolution de velours ? Alors, le premier souvenir, c'était évidemment celui d'une génération qui se souvenait de sa jeunesse et donc une vision positive. Depuis un quart de siècle, depuis 1989, il y a des relectures, des réévaluations et pas forcément positives. Beaucoup d'acteurs de ce temps et puis qui ont joué un rôle politique par la suite ont une lecture beaucoup plus critique qu'il y a un quart de siècle. Dans quel sens ? Eh bien, par exemple, le miroir aux alouettes qu'a pu représenter l'hypothèse d'une réformation, d'une transformation du socialisme de l'intérieur, ce qu'était fondamentalement le printemps de Prague. Mmh. Alors ça, c'est l'objet de critiques assez drastiques. Ça renvoie à ce que je disais en introduction, quand je disais sous la houlette de l'Union soviétique, ce communisme-là n'était pas réformable, il était en un mot commençant totalitaire. Exactement, mais d'abord, à l'époque, personne n'en avait conscience. En 1989 et tout de suite après, au moment où Václav Havel, qui sorti de prison, se retrouve bombardé, président de la République, et sort de la naphtaline Dubček, le grand acteur du printemps de Prague, pour le disposer président du Parlement, à ce moment-là, il y avait toutes sortes d'illusions qui avaient cours. Et je vous assure que de nos jours, tout cela est sérieusement réévalué. Est-ce que le soulèvement de Budapest, lui aussi, est réévalué ? Alors, c'était en 1956. Quels sont les traits communs entre les soulèvements de Budapest et de Prague et les différences ? Alors, les différences sautent aux yeux. 1956 Budapest, c'est d'abord une révolution politique et de contestation frontale du communisme, ce que n'était pas tout à fait le printemps de Prague 12 ans plus tard. La composante culturelle que vous avez soulignée sur le plan de la littérature, du cinéma, des arts plastiques, n'est pas prioritaire en 1956 à Budapest. On peut faire le parallèle avec un autre mouvement, 12 ans après le printemps de Prague, c'est ce qui se passe en 1980 en Pologne. Et là, la composante sociale, ouvriériste est beaucoup plus centrale. Donc, la spécificité du printemps de Prague, c'est d'avoir un fort contenu culturel. Vous avez souligné la suppression de la censure. Elle avait été amorcée en fait par toute une série de colloques, de films, de manifestations culturelles dans les années qui précèdent immédiatement le printemps de Prague. Et c'est ça qui donne sa coloration très culturelle au printemps de Prague par rapport à ce qui s'est passé 12 ans avant et ce qui s'est passé 12 ans après, d'une part en Hongrie, d'autre part en Pologne. Si on scrute de façon attentive l'histoire récente, l'histoire contemporaine de la Tchécoslovaquie, on s'aperçoit que ce pays-là avait l'ADN de la démocratie. Mais avant la guerre même, l'ADN de la démocratie. Et oui. Et là, vous faites évidemment référence à la Première République, celle de Massaryk, fondée par Massaryk Thomas Massaryk, oui. Le père de l'autre Massaryk, que nous connaissons bien aussi, le ministre des Affaires étrangères qui a trouvé la mort en 1948 au moment du coup de Prague par les communistes. Dans l'entre-deux-guerres, en effet, il y avait un régime particulièrement démocratique qui est devenu un peu unique dans l'Europe centrale de l'entre-deux-guerres au fur et à mesure que les coups d'État en Pologne, en Yougoslavie, en Roumanie et un peu partout en Europe centrale, ont isolé la Tchécoslovaquie démocratique de Masaryk. Juste une indication, sachez que dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie non seulement avait donné le droit de vote aux femmes, mais des femmes étaient élues. Il y avait des femmes sénatrices. Nous, les sénateurs, empêchaient de voter. Exactement, c'est dire l'unicité, le caractère exemplaire de la démocratie tchécoslovaque de la Première République entre les deux guerres. Alors, je ne sais pas si l'expression « printemps de Prague » est une trouvaille médiatique, comme les printemps arabes, par exemple. Est-ce que c'est exact de dire printemps de Prague, pourquoi pas printemps de Bratislava ? Tout se passe à Prague, il se passe rien dans les autres grandes villes ? Alors, les Slovaques sont un peu maris de cette expression de printemps de Prague. Parce qu'on les comprend. Bratislava a connu aussi son printemps. En réalité, il y a une triple révolution qui se joue dans le printemps de Prague. Il y a une révolution politique, la remise en cause du parti unique. Il y a une révolution économique. Vous avez parlé du rôle de l'économiste Otachik qui remet en cause la planification, enfin, qui souhaite l'aménager. Puis il y a la révolution culturelle. Eh bien, il y en a une quatrième, en fait. C'est la révolution, alors je dirais pas nationaliste, mais la mise en en cause du primat, nos auditeurs vont parfaitement comprendre le terme, du primat du pragocentrisme, ouais. Équivalent tchécoslovaque de notre parisianisme. Absolument. Et les Slovaques, avec la promotion de Dubček, hein, à la tête du Printemps de Prague, en fait, sont très fiers d'avoir joué les premiers rôles. Donc il y a cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Le Printemps de Prague, c'est un printemps tchécoslovaque en réalité. Et d'ailleurs, après 89, les deux composantes, les deux grandes composantes, les Tchèques d'un côté et les Slovaques de l'autre, vont se dire au revoir gentiment, voilà, chacun chez soi maintenant. En effet, après la révolution de velours de l'automne 1989, il y a eu, au 1er janvier 1993, le divorce de velours entre les Tchèques et les Slovaques. Divorce de velours, absolument. Alors, quand même, on se pose la question concernant Alexander Dubček, un homme intelligent, entouré de personnes intelligentes. On se demande comment ils n'ont pas pu penser que les chars soviétiques allaient arriver, qu'ils allaient leur refaire le coup de Budapest. Alors, il y a peut-être une espèce d'auto-intoxication dans les milieux réformistes communistes. N'oublions pas, Dubček était communiste. Oui. Il a voué sa vie à l'URSS. Il a passé les 17 premières années de sa vie en URSS, de 1921 à 1938. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais dans ce petit milieu particulier, avec ce que je disais de réformes culturelles qu'il y avait en Tchécoslovaquie, eh bien, ils ont fonctionné de manière un petit peu en circuit fermé, sans voir les pressions qu'il y avait autour. Et n'écoutant finalement que, par exemple, les échos très favorables qu'ils recevaient de la Roumanie de Ceausescu. Il faut rappeler que Ceausescu, à l'époque, avait une image qui était complètement différente de celle qu'on a découverte, pour la plupart des Français, il faut bien l'avouer, en 89. On avait un dictateur cinglé, fou, enfin, une espèce de roi ubu. Au début, et d'ailleurs je crois que Georges Pompidou avait fait de la Roumanie un partenariat particulier parce qu'il était ce monsieur Ceausescu très fréquentable. Mais De Gaulle se rend en Roumanie en 1968. Hein, et précisément, l'écho que renvoyait du Printemps de Prague, la Roumanie perçue comme francophile, tournée vers l'Ouest, etc., faisait que les Tchécoslovaques ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer aux frontières. Vous avez parlé des mouvements de troupes, des manœuvres autour du pays, mais pendant tout printemps, les Tchécoslovaques se sont enivrés de leur liberté. Alors, à ce propos, on va écouter une archive ensemble. Elle date du 17 juillet 1968. Il s'agit d'une interview du professeur Snijdarek, prononciation non garantie. Snijdarek, parfait, merci. Directeur de l'Institut politique de Prague, qui a un mois et demi du dénouement tragique, ne croit pas, alors je dis, on est en juillet 68, hein, lui ne croit pas en une intervention armée de l'URSS sur le sol tchécoslovaque, qui sont dans leur rêve, hein, ce que vous disiez. On l'écoute. Je crois qu'il n'y a aucune comparaison possible entre la Hongrie 56 et la Tchécoslovaquie 60-68. La Hongrie 56, en plein révolte, en plein désordre, luttes idéologiques, un parti communiste non existant, en réalité, en pleine décomposition. Ici, en Tchécoslovaquie, au contraire, tout va, d'ailleurs, vous l'avez vu vous-même, chacun qui vient en Tchécoslovaquie peut le voir, tout va normalement, le gouvernement existe, il est reconnu par la population tout entière, tous les organes d'État fonctionnent d'une manière tout à fait normale, alors je crois qu'il n'y a aucune comparaison possible. Donc vous ne croyez pas du tout à la possibilité d'une intervention armée sur le sol tchécoslovaque ? Je ne le crois pas personnellement, parce que j'ai la confiance dans le bon raisonnement et dans le bon sens des partis frères. Et voilà, et ce qui devait arriver est arrivé. Les Soviétiques ont écrasé ce soulèvement. Alors les réactions du bloc de l'Ouest, j'imagine qu'on a été indigné, mais qu'on n'a pas levé le petit doigt. Qu'on n'ait pas levé le petit doigt, ça je le sais. J'imagine qu'on a été indigné. On a eu des paroles en disant quelle horreur. Mais enfin bon, on bouge pas quoi. Oui, des paroles verbales, comme on dit habituellement. Michel Debré, ministre des Affaires étrangères français, a qualifié l'invasion par pas seulement l'Union soviétique. Hein, c'est le pacte de Varsovie, sauf la Roumanie de Ceausescu. Il l'a qualifié d'accident de parcours. Il ne s'agissait pas de remettre en cause l'ambiance de détente entre les deux blocs, de l'Est et de l'Ouest, par une intervention inimaginable, comme elle n'était pas vraiment imaginable en 56 à Budapest. Il n'était pas imaginable que quiconque engage des forces de l'OTAN pour aller sauver la démocratie tchécoslovaque. Est-ce qu'on sait ce qu'on pensait ou ce qu'on dit ? Alors, je dis bien pas les gouvernements des autres pays satellites de l'URSS, qui devait être plutôt soulagé, en tout cas officiellement, soutenait le grand frère, mais des populations alentour. On sait ce qu'on pensait, les citoyens est-allemands, roumains, bulgares, hongrois. Alors, les plus fortes marques de sympathie... Polonais, j'imagine, peut-être. Oui, voilà. C'est la Pologne, forcément, bah oui. Les plus fortes marques de sympathie venaient de la Pologne, et vous avez peut-être entendu parler du sacrifice de l'étudiant Jan Palach au mois de janvier 1969. Eh bien, un petit peu avant, quelques semaines auparavant, un Polonais s'était aussi immolé dans un stade en Pologne, en signe de solidarité. Attention, le compartimentage des pays de l'information faisait que toutes les informations ne revenaient pas, et elles arrivaient dans chacun des pays du bloc, complètement transformées par chacun des partis communistes dans chacun des pays. Mais par exemple, Natalia Gorbanevskaya, en Russie, sur la Place Rouge, a manifesté très courageusement. Pendant une vingtaine d'années par la suite, elle a payé très cher, mais il y a eu quelques formes de ce que l'on a appelé par la suite de dissidence, à l'égard de la répression du printemps de Prague par les forces du Pacte de Varsovie. Petite parenthèse, je rappelle qu'un autre printemps, le printemps arabe, qui a commencé en Tunisie, personne ne s'est immolé, hein, ça a commencé comme ça, c'était en décembre 2010. C'est spectaculaire, parce que c'est pas commun aux civilisations européennes, bien sûr, ou on va dire occidentales. C'est un côté sacrificiel comme ça. Tout à fait. Alors, on va revenir maintenant sur la figure d'Alexander Dubček, parce que quand il y a des grands mouvements historiques comme ça, il y a souvent une figure qui l'incarne. En l'occurrence, c'est Dubček. Qui est ce monsieur? Alors Dubček est né dans une famille qui, très vite, dans l'entre-deux-guerres, a marqué son attachement pour la cause communiste en partant, en émigrant vers l'URSS pour construire le communisme. De retour au pays en 1938, il s'engage dans la résistance et notamment dans le mouvement du soulèvement national slovaque, puisqu'il était slovaque. Mmh. En août 1944, il y perd un frère, ce qui pèse très lourd dans son engagement communiste anti-nazi. Et après, il a une carrière d'apparatchik avec la fréquentation des écoles du parti, qui ont fait, du point de vue de Moscou, un élément solide dans les années 60. Et il paraît l'homme de la situation en janvier 1968 pour assumer les fonctions directoriales. Sauf que, sur le plan, je dirais, du caractère, il présente un petit peu le même type de paramètres que son prédécesseur hongrois en 56, Imre Nagy. Nagy, oui, N-A-G-Y. Oui, ça se prononce Nagy. Avec une petite accent sur le G. Voilà. Et... disons, beaucoup de bonnes intentions, une popularité réelle et en même temps une indécision dans les moments décisifs. Ouais, mais il y a un côté, si j'ose dire, il est un peu communisme, ce que t'es Jean 23 à l'église. C'est-à-dire que on s'est dit, bon, voilà, il va pas être très dangereux celui-là. Et en fait, ça, il est le plus réformateur de tous, quoi. En réalité, il a été débordé. Alors la comparaison va peut-être. Au mieux avec Gorbatchev, quelque part. Alors peut-être. Hein, il a initié comme Gorbatchev un mouvement qu'il a dépassé. Voilà, exactement. Est-ce que en 68 à Prague, on regarde avec attention, grande attention du côté de la population, les événements de mai 68 en France? Est-ce que c'est une sorte de modèle? Alors, le rapprochement est évidemment il est tentant, hein. Par la concurrence chronologique intéressante et tentant. En réalité, il y a un très grand malentendu. Lorsque Jean-Paul Sartre se rend à Prague, il se fait huer par les étudiants tchécoslovaques. Parce qu'il s'agit déjà plus d'améliorer le communisme, il s'agit d'en sortir. Et là, il y a un choc de culture entre les deux. Et de même, Daniel Cohn-Bendit était incompris en Tchécoslovaquie. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc pendant 20 ans, la Tchécoslovaquie retourne dans une sorte de ténèbres dont elle était sortie, elle était restée 20 ans. Ça fait 20 ans, en fait, deux fois 20 ans. Et paradoxalement, c'est plutôt la Hongrie qui bouge, enfin la Hongrie qui est un élève, pas un mauvais élève au contraire, mais différent des autres. On a parlé du miracle économique hongrois. On sent qu'en Hongrie, ça évolue, et en Tchécoslovaquie, ça s'enlise. Alors, la Hongrie, avec Kadar, a organisé une espèce de grande négociation sociopolitique. En gros, le pouvoir communiste dit « ne vous occupez pas de politique et vous aurez de quoi manger ». C'est le fameux socialisme du goulash. Tandis que, en Tchécoslovaquie, le risque, notamment culturel, était tellement intense que la normalisation, c'est ainsi qu'on a baptisé le retour à la soi-disant légalité communiste télécommandée depuis Moscou, a été obligé de d'écraser complètement toute forme de dissidence. Et la dissidence n'a pu s'exercer qu'en dehors du parti. C'est la fameuse charte 77. Ah oui, Václav Havel. Autour de Václav Havel, n'est-ce pas? Autour aussi d'un grand philosophe un peu oublié, malheureusement, Jan Patočka, qui est un des grands acteurs du Printemps de Prague, qui est un de ceux qui relisent Masaryk et inspire Václav Havel. Donc là, il y a une continuité, mais complètement à la marge de la société. Cette marge a été beaucoup moins sanctionnée en Hongrie. Il y a une espèce de consensus mou pour que ça fonctionne. Comme dit mon collègue Jacques Rupnik, la baraque hongroise était la moins triste de la fête foraine socialiste. Alors, il nous reste une minute, on va parler de ce Thomas Masaryk, qui était le premier président. Vous lui avez consacré un livre en 2004, c'est ça? 2002. Pourquoi un livre sur cet homme-là? Il est important, vous me disiez tout à l'heure, c'est un peu le De Gaulle des Tchèques, quoi. Tout à fait, c'est un grand personnage. Il m'intéressait parce que c'est dans l'histoire le seul philosophe au sens technique du terme, professeur de philosophie pendant 40 ans, d'abord à l'université de Vienne, puis à l'université de Prague à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a fondé une république et a donc pu transposer dans la réalité politique ses idées de philosophe. Et ça m'intéressait de mieux le connaître et d'en écrire la biographie. Il est tout à fait important pour comprendre le Printemps de Prague. En 1962, un philosophe de Brno, la deuxième ville du pays, qui était passé par la section française du lycée Carnot de Dijon, a été le premier à réécrire une biographie. Et en 68, un autre livre important est sorti sur Masaryk. Et Jan Patočka, le philosophe dont je parlais, a passé toute sa vie à réfléchir à l'œuvre politique de Masaryk. Voilà pourquoi il est important. Et ce sera le dernier mot. Merci infiniment, Alain Soubigou. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Printemps de Prague, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Théo Gobard, qui était à la technique aujourd'hui.